Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Ben, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Demelin, bienvenue à Econophile. Il y en a beaucoup qui se sont indignés des commentaires du petit gérant de la boutique Adidas, on devrait dire Adidas, de la rue Sainte-Catherine à Montréal, ou de la Sainte-Catherine. Beaucoup chez les personnalités publiques, chez les politiciens. Pour rappel, donc, on inaugurait avec Proudness le nouveau shop, et puis le manager, Alexandre Desroches, ou Alexander The Rock, a concédé qu'il dirait quelques mots en français pour accommoder la ville de Montréal et les médias francophones, puis, and you know, a continué en anglais, hein, y compris avec un invité qui était un Français. Wonderful. La chose était d'ailleurs si scandaleuse, et ça c'est un miracle, que même Philippe Couillard s'est mis à défendre le français, c'est pas rien, hein, lui qui calcule chaque mot pour éviter de nourrir le sentiment d'appartenance au Québec et qui veut éviter à tout prix de donner raison à un adversaire. Lui qui croit d'ailleurs que dans les usines, les gens doivent parler en anglais, hein, au cas. Alors c'est un miracle, oui, et il a dit à quel point c'était inacceptable. Mais vous, là, so what? Hein? Bonjour, hi. Patrick Lagacé dans la presse a dit qu'il a écrit que c'était quelque chose qui témoignait d'une réalité actuelle, qu'on était visiblement plus en 1987 ou même avant ces périodes où les gens descendaient en masse dans les rues pour défendre le français. Fallait pas nous écœurer sur la place du français, sinon hein, ça bardait. Ben ça a beaucoup changé, you know, hein. On peut blâmer, bien sûr, le jeune gérant inconscient. On peut blâmer un gouvernement qui vient de se faire dire, d'ailleurs, qu'il ne francise pas assez les immigrants. Oui, ça, c'est sûr. C'est pas suffisant. Dire qu'on est fier de parler français en baissant les yeux puis en le chuchotant, tu sais, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire vibrer la corde sensible de l'appartenance. Hein? Je m'excuse, je parle français. C'est notre nouvelle devise, suivie de « I don't remember ». Puis anyway, hein, des luttes du passé, là, ils ont réussi. Pourquoi se battre encore, puisque notre français est safe, hein? Bref, on peut blâmer bien des choses, mais je trouve que c'est un puissant reflet de la société de consommation. Consommer, ça se fait surtout en anglais, you know? Et l'obsession, ce qu'on entend tous les jours, tout le temps, c'est qu'il faut de la croissance, il faut faire prospérer la business, il faut faire plus de cash que l'Ontario, sinon on va perdre notre Saint-Hubert. Ben oui. Alors on dilue les cours d'histoire, on coupe dans la fête nationale, on sous-finance la francisation, on coupe dans l'éducation, ce qui fait qu'au bout de 3, 10, 25, 40 ans, ben on se retrouve avec des gens qui rêvent de s'acheter des chaussures de sport à 300$. La langue commune maintenant, c'est le commerce. That's it. Et faites-vous-en pas, hein, personne n'est allé lancer des roches à Alexandre, là. Non. Il y a eu un appel au boycott de la fameuse boutique, et ben c'était plein, tout le week-end. Ça faisait la file pendant des heures. Mais Noël s'en vient, hein, ça donne bien. Fait que je pense que je vais commencer à acheter des antiquités à mes fils. On appelle ça un dictionnaire de langue française. C'est fou, hein? Ouais, il y a plein de mots, you know, c'est en française là-dedans. Mais faut pas que je m'en fasse. Hein. À un moment donné, il va y avoir une super vente, super chill de romans québécois parce que c'est vintage, c'est devenu trendy, puis ça vaut super cher un roman de Tremblay, Ducharme ou La Ferrière. Pas pour lire, là, non, mais au moins pour décorer ta Bible, hey, you know. La langue, la culture, l'environnement, la pauvreté, tout ce qui fait de l'humain un humain puis un terrien tend à se faire tasser dans un coin, tranquillement. Parce que il faut du rendement. Mais à quoi bon prospérer si c'est pour disparaître dans l'indifférence? Ah, j'exagère. Anyway, je vais aller me remonter le moral au magasin, là, ils viennent juste de recevoir le iPhone 48. Bienvenue à Econophile. Qui donc est nostalgique de ces fanatiques qui prenaient la rue, pancarte au poing, et criait le règne de ceux qui... Vous voulez nous retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog? Ben, on est là. Allez aimer la page Facebook pour nous suivre. facebook.com/econophile891. Et puis, pour trouver le blog, deux façons. Le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook. Ou encore, ben, vous allez sur econophile.net. Pas compliqué. Et vous y arrivez directement. Econophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions des deux saisons qui sont disponibles dans la section émissions. Quand on regarde en avant plutôt qu'en arrière, sont ces vieilles œillères qui empêchent de voir que l'amour est plus fort que la langue. Maintenant, Jean-Claude, bonjour. Bonjour, David. On a, d'ailleurs, je vais saluer Gerrit Dorer, qui est à la mise en onde cette semaine encore. Bien content de compter sur ses services. Cette semaine, Jean-Claude, l'endettement des ménages, un thème à propos. Un sujet, un sujet qui fait peur un peu, qui nous fait peur depuis plusieurs années même. Là, il s'agit de se poser la question, est-ce qu'enfin les prophètes de malheur vont avoir raison, puis est-ce qu'on va tous s'écrouler sous le poids des dettes? Tout à fait. Alors, à l'approche des fêtes, on va faire d'ailleurs la part des choses de tout ça. Mais pour en discuter, je me suis notamment entretenu avec Julia Posca, qui est chercheuse, devrais-je dire, je vais me faire taper sur les doigts, à l'IRIS, qui s'intéresse précisément à la question de l'endettement des ménages. Alors, avec elle, on fera le point, on va parler de ce qu'on devrait faire aussi collectivement. Et puis, chiffre de la semaine, Jean-Claude, 11 364. Dollars américains. Dollars US. Et ça se pourrait que ça change même d'ici la fin de l'émission. Ah, ça change d'une minute à l'autre. Donc, la réponse de tout ça, en fin d'émission. See these eyes so green. I can stare for a thousand. Alors Jean-Claude, commençons tout de suite parce que le sujet est quand même vaste, hein, et on peut s'y perdre. Parler d'endettement, ça a l'air simple, ça l'est pas tant que ça. On a des concepts peut-être à distinguer au départ, je te suis là-dedans. Ben, c'est-à-dire qu'on en parle souvent dans les journaux de l'endettement des ménages, puis des fois on parle d'endettement des gouvernements. Ouais. C'est deux espèces de choses là, c'est deux peurs qu'on nous administre pratiquement tous les jours en laissant entendre qu'il pourrait avoir des conséquences. Puis des fois on veut faire le ménage du gouvernement, ce qui est une autre affaire, mais ouais. Wow. Mais souvent le chiffre qu'on nous présente souvent, c'est le rapport entre la dette des ménages, toutes sortes de dettes là, crédit à consommation, hypothèque, marge de crédit, financement de l'automobile, sur le revenu net, c'est-à-dire le revenu après impôt. Et ça, depuis plusieurs mois, on nous dit toujours que c'est effrayant, c'est rendu à 167 %. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a un revenu net de 100 000 $ bien, il y a des dettes en moyenne de 167 000 $ En réalité, c'est pas si grave que ça. Il y a beaucoup d'articles qui disent, ouais, c'est encore quand même tolérable, mais on fait toujours référence au cas des Américains. Il y a une dizaine d'années, en 2007-2008, ils avaient atteint à peu près ce niveau-là de 167 %. Puis on sait ce qui est arrivé par la suite. C'est la bulle des hypothécaires a crevé, puis ça a entraîné une crise financière majeure. Donc, sauf qu'on pourrait apporter des nuances, la situation des ménages canadiens est quand même différente de celle des ménages américains. Ça introduit aussi une notion importante, c'est-à-dire que ça, c'est des moyennes. Puis si pour quelqu'un, 167 % de son revenu, ça demeure valable, c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a, c'est 300 % de leur revenu qu'ils ont comme dette ou 400 % et là, ça commence à être vraiment préoccupant. Alors, ce genre de je pense qu'il y a beaucoup de nuances dans ce dossier-là. C'est préoccupant. La Banque du Canada se préoccupe du niveau d'endettement des ménages, mais il faut en prendre pour en laisser. Il faut essayer d'apporter des distinctions et peut-être qu'on pourra essayer de le faire au cours des prochaines minutes. Oui, évidemment. Et vous allez voir qu'on va aussi beaucoup parler dans le fonds d'hypothèque. Il y a ça quand même. Parce que en faisant la part des choses, on se rend compte qu'il y a on peut facilement penser à notre carte de crédit, qui est un élément important. Oui. On approche des fêtes, on est justement préoccupé par notre carte de crédit qui est honnêtement bien remplie, probablement pour beaucoup de gens. Mais c'est beaucoup l'hypothèque dont il est question. C'est ça qu'il faut retenir très fortement du portrait. Bien moi, en faisant la recherche pour l'émission cette semaine, j'ai réalisé deux choses qui, dans le fond, sont évidentes quand tu y penses. Mais les articles qu'on voit dans les journaux, c'est souvent des articles venant du monde financier et de la Banque du Canada, mais ça peut être Desjardins ou autres, des banques. Mais eux sont tous préoccupés par le niveau des actifs. Ça, le ratio qui les intéresse, c'est est-ce qu'en en contrepartie du prêt que j'ai fait, puis souvent c'est un prêt hypothécaire, est-ce que la valeur de la maison ou la valeur des actifs est suffisante pour, si ça va mal, ben je vais récupérer mes actifs, c'est-à-dire je vais saisir la maison. Mais par contre, ceux qui sont pas se préoccupés des ménages, puis notamment des plus pauvres, autres, c'est plus le crédit à consommation, puis ça, on l'oublie trop souvent, mais c'est quand même important parce que dans la dette des ménages au Canada, il y a les trois quarts qui sont en prêt hypothécaire. 75% c'est les prêts hypothécaires, mais t'as quand même les prêts personnels à consommation, c'est 8,5%. Puis la marge de crédit personnel, c'est 11 %. Puis le prêt automobile, 2 %. Ça veut dire que tu as à peu près 20 %, là, autour de 20 %, c'est du crédit à consommation. Puis ça, c'est plus explosif, c'est plus dangereux parce que tu n'as pas de contrepartie. C'est-à-dire, si ta carte de crédit est loadée pour continuer avec ton taux éditorial, là, tu es mal pris parce que si le taux d'intérêt augmente, là, tu vas avoir de la misère à faire tes fins de mois. Fait que je pense que ce qu'on voit dans les journaux, ça sous-estime le fait que ceux qui sont coincés, là, qui ont à la limite de leur marge de crédit, bien, les fins de mois sont très pénibles, puis il s'ensuit évidemment des difficultés, je dirais, là, point de vue psychologique. En tout cas, c'est un stress, et c'est un stress aussi dans les ménages, dans les familles. On pourra revenir sur tous ces points-là après. Je propose d'écouter tout de suite la première partie de l'entrevue que j'ai réalisée avec Julia Posca, où je lui ai posé la question très simplement. Donc, au cours des prochaines minutes, je lui ai dit à quel point on est ou non dans le trouble. Alors, voici sa réponse. À quel point on est, les ménages au Québec, dans le trouble ou pas? On est endetté certainement. Le ratio d'endettement au revenu là, poursuit sa douce progression, si on veut. Donc, au Québec, on est rendu à autour de 150% de ratio de dette au revenu. C'est un ratio qui était autour de 85% en 2000. Et ça, c'est principalement dû à la croissance des prix de l'immobilier, donc de l'endettement hypothécaire. Les maisons au Québec là, valent autour de 280 000 $ en moyenne, puis au début des années 2000, c'était 110 000. Donc, on voit bien que ça a plus que doublé. Puis dans le reste du Canada, là, la moyenne, c'est 560 000. Donc, il y a vraiment eu une explosion. Ça remet en perspective l'idée là, qu'on est endetté parce qu'on fait aller justement la carte de crédit tout le temps. C'est le cas aussi. Bien sûr, les dettes de carte de crédit sont importantes, les dettes sur les marges de crédit aussi ont augmenté. Mais ce qui fait vraiment, disons, ce qui joue le plus, c'est l'endettement hypothécaire. On a donc des gens comme Desjardins qui vont nous dire, ben finalement, c'est pas si grave que ça, pour deux raisons, parce que d'une part, le taux de le ratio de dette au revenu, c'est pas un bon indicateur. Ils nous disent il faut plutôt regarder le ratio du service de la dette, donc ce qu'on paye en capital et en intérêt chaque mois. Puis il faut regarder le ratio de la dette aux actifs, donc la valeur de notre dette, mais en proportion des actifs qu'on a achetés avec cette dette-là. Puis ces ratios-là sont stables. Ils ont même diminué depuis le début des années 2000 parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas que dans les années 90 et jusqu'en 2000. Par contre, il y a quand même une proportion significative de gens qui, par exemple, un ratio de service de la dette qui est très élevé. Ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est que le ratio, quand on parle de la proportion des dettes versus actifs, c'est vrai que derrière la dette hypothécaire, ben il y a des actifs, donc des maisons. Sauf qu'évidemment, une maison, ça se vend pas en un clin d'œil. Puis surtout, si on est dans le trouble, puis qu'on doit vendre sa maison, ça veut dire qu'on se retrouve à la rue. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a quand même qui se défendaient en disant, ouais, c'est une bonne dette. Il y a des bonnes et des mauvaises dettes, si on veut entre guillemets. C'est-à-dire, quand on a un actif, au moins, tu peux le revendre. Sauf que l'histoire nous a prouvé aussi que c'est quand il y a des changements brusques, ça se perd assez bien aussi une maison. Ben exactement. Puis là, c'est tout le phénomène des foreclosures. Là. Donc justement, là, les gens qui ont perdu massivement de leur maison après la crise, dans le cours de la crise de 2008 aux États-Unis, qui a donc été déclenchée par l'éclatement de la bulle des hypothèques à risque, là, les subprimes. Donc on avait vendu en masse des hypothèques à des gens qui avaient des revenus vraiment très faibles. Là, on est, disons, puis ça s'est répercuté sur le Canada parce qu'évidemment, nos économies sont interreliées, là, très fortement interreliées. Là, on est dans une situation où il y a une reprise économique, donc l'économie va bien aux États-Unis et donc ça se répercute ici aussi. C'est pour ça d'ailleurs que depuis qu'en juillet, là, la Banque du Canada a commencé à augmenter les taux d'intérêt, hein, qui étaient comme un niveau extrêmement bas. Là. Il y a eu deux hausses depuis le mois de juillet. Donc ça a un impact aussi justement sur la capacité des gens à s'endetter. Mais c'est beaucoup ça le commentaire. Hein. C'est-à-dire que parce que les taux étaient très bas, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que en termes absolus, quand on paye chaque mois, on peut payer à peu près le même montant. Le problème, c'est que si les taux d'intérêt montent, il n'y en aura plus de marge de manœuvre parce qu'il y a aussi des pourcentages qui disaient qu'il y a beaucoup de ménages quand même qui vivent d'une paye à l'autre. C'est-à-dire que si on commence à jouer dans leur marge, c'est terminé, là. Mais c'est ça, c'est qu'on a des ménages qui sont justement c'est-à-dire que on a comme normalisé finalement le niveau d'endettement actuellement qui est très élevé. On dit finalement c'est correct, tu sais, parce que bon, il y a des actifs parce que les intérêts sont bas. Mais ça fait qu'on a des ménages qui sont vulnérables à des chocs en fait. Puis c'est surtout ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que oui, on peut analyser la situation puis dire « Ah, c'est pas si pire », mais c'est pas si pire jusqu'à ce qu'il y ait un choc dans l'économie qui se répercute jusque sur les ménages. Comme je disais, bon, en 2008, ça a été les dettes hypothécaires subprime. Là, aux États-Unis, on a une nouvelle bulle qui est celle des prêts à risque, mais dans le secteur automobile. On l'a vu au Canada aussi, il y a une augmentation de la valeur des prêts automobiles qui ont presque doublé là, en 8 ans. Oui, parce que les prêteurs automobiles prennent le relais, par exemple, des banques qui ne prêteront pas nécessairement, c'est un peu ça. Hein? Exactement, puis les gens achètent des voitures qui sont plus dispendieuses, mais en étalant la période d'amortissement du prêt. On l'a vu aussi dans le marché hypothécaire, c'est-à-dire que l'année dernière, la Société canadienne d'hypothèque et de logement a resserré les règles du crédit hypothécaire justement pour essayer d'atténuer le grossissement de la bulle finalement puis de la spéculation dans le secteur immobilier. Mais ce que ça a eu comme conséquence, c'est que là, on voit des périodes d'amortissement se rallonger. Fait qu'on est toujours en train de gérer une espèce de catastrophe qui n'arrive pas, mais donc tant que ça n'arrive pas, on se dit que tout va bien. Là, c'est vraiment le principe du jusqu'ici, tout va bien. Donc, continuons parce qu'il faut le rappeler, c'est que l'endettement des ménages, c'est ça qui permet la consommation et donc la croissance de l'économie. Donc, c'est tout le paradoxe. Hein? C'est on dit aux gens, vous gérez mal vos finances, puis c'est pour ça que vous êtes endettés. Mais de l'autre côté, on leur dit, mais surtout, arrêtez pas de vous endetter parce que c'est ça qui fait croître l'économie, le PIB, là, autrement dit. Jean-Claude, beaucoup de choses intéressantes. D'abord, on comprend bien que la volonté de poursuivre la consommation est intense, là, elle l'a bien dit, c'est un fait. Là. Il y a un peu de schizophrénie, finalement, un peu chez les consommateurs, mais aussi chez les banques et les gouvernements. C'est qu'une journée, on l'a dit souvent à cette émission aussi, moi, ça me fascine toujours, les consommateurs ont toujours raison. Une journée, c'est parce qu'ils ne consomment pas assez, puis le lendemain, c'est parce qu'ils sont trop endettés. Fait, tu sais jamais, qu'est-ce que vous voulez, finalement? Voulez-vous qu'on consomme ou qu'on rembourse nos dettes? Mais je pense que les gens, Madame Pascal l'a un peu mentionné, on s'est un peu intoxiqué à ça, on s'est un peu habitué, finalement, à considérer que c'est normal d'avoir des dettes, puis c'est pas si grave que ça. Ça fait plusieurs années qu'on nous prédit que ça va s'écrouler, puis ça s'écroule jamais. Fait qu'on a fini par dire, ben, on va continuer comme on est parti là. Ouais, c'est beaucoup la phrase que j'ai retenue, moi, normaliser le taux d'endettement, le niveau d'endettement, c'est quelque chose qui est assez fantastique parce que normalement, la statistique que tu as dit tantôt, 167%, on devrait hurler, on devrait paniquer. Or, c'est même pas le cas. Quand on lisait les documents préparatoires pour notamment Desjardins, le message que je retenais, là, c'est serré, mais ça va. Ben, je pense que tu l'as mentionné, puis Mme Poscott est évidemment tout à fait d'accord avec toi. Je pense que un facteur qui est très important puis qui date de peut-être de 2008, c'est que les taux d'intérêt sont extrêmement extrêmement bas. Au Canada, les taux de la Banque du Canada étaient près de 0 % pendant un bout de temps. Ouais. Il y a à peine, tu sais, en l'an 2000, c'était autour de 6 % les taux de la Banque du Canada. Puis ça se répercute sur tous les taux dans l'économie. Ça a baissé presque à 0 %. Puis là, on était autour de 1 %. Mais on prévoit, ça l'a, Mme Pascal l'a rappelé, ça a augmenté au cours des derniers mois d'un demi de 1 %. Puis on pense que ça pourrait augmenter encore d'un autre demi de 1 % en 2018. Fait que là, ça va commencer à faire effet. On pourra le sortir peut-être des chiffres tantôt illustratifs, là, mais ça commence à faire une grosse différence quand ton taux d'emprunt hypothécaire augmente, là, ne serait-ce que de 1 %, puis des prêts à consommation, mais là, c'est encore, ça peut être plus que ça encore. Ce qui est important aussi, c'est que, pour faciliter, Mme Pascal l'a évoqué, ceux qui prêtent de l'argent, les banques puis les autres, l'autre société prêteuse, ont de plus en plus facilité les conditions de crédit. On a inventé toutes sortes de choses, y compris finalement qu'on vend plus des automobiles maintenant, on les loue à long terme. Oui, oui, oui, oui. Fait que ça facilite les choses, ça illusionne les gens. Puis ça les incite à consommer davantage. Mais le danger, ce que j'allais dire dans le fond, c'est qu'on a un autre truc qu'on a trouvé, c'est de mettre des taux variables. Des taux variables qui peuvent être très bas, mais le problème du taux variable, c'est que ça peut du jour au lendemain augmenter. Alors que auparavant, c'était plutôt des taux fixes pour 5 ans ou pour 10 ans. Fait que là, tu peux au moins dire, bien, même si les taux d'intérêt des banques augmentent, moi, je suis protégé parce que j'ai une hypothèque de 5 ans ou de 10 ans ou un prêt à la consommation de 5 ans. Mais maintenant, c'est des taux qui peuvent changer la semaine prochaine. Pas pour tout le monde, mais pour à peu près le tiers des emprunts maintenant. Ce sont des taux variables. Donc, ça augmente la fragilité puis la sensibilité, si tu veux, à une augmentation d'un taux d'intérêt qui semble en voie de se poursuivre là, présentement. Puis c'est pas comme si on savait pas que ça pouvait pas changer l'économie en même temps. C'est ça qui est un peu particulier, parce que tout le monde a l'air content qu'on repousse la limite et qu'on joue, je disais, à l'équilibriste. C'est vraiment ça, on est sur le fil, on marche, on a du plaisir, mais on peut tomber, ça peut arriver. Fou d'y penser. Ben peut-être on pourrait prendre un petit peu le développement tantôt que j'ai pas eu le temps de compléter, là, mais c'est que l'endettement, c'était un problème différent pour différentes personnes. Pour les banques, c'est de s'assurer qu'on va être capable de saisir la maison, qu'une maison qui a de la valeur. Oui, bien sûr. Vraiment. Puis pour le consommateur ou pour le commerçant, ben c'est de continuer de pouvoir mettre de l'argent, emprunter sa carte de crédit. Mais pour les gouvernements, pour la Banque du Canada, c'est un problème pour la croissance. Eux se préoccupent moi j'ai réalisé ça dans notre préparation cette semaine. D'autres, le ratio, c'est l'endettement sur le PIB. Puis là, ils commencent à trouver qu'il est pas mal élevé. Puis le Fonds monétaire international, qui est quand même pas un organisme de gauche, se préoccupe beaucoup de ça aussi, parce qu'on pense que ça peut avoir des conséquences aussi sur la croissance économique à moyen terme. Ce que la FMI nous dit, ce que la Banque du Canada dit, c'est que l'endettement, le crédit, c'est le fun à court terme parce que ça suscite davantage de consommation. Donc, ça fait vivre les commerces, ça donne des emplois. Mais à moyen terme, au bout de 2-3 ans, l'augmentation de l'endettement, ça peut se traduire par un recul de la consommation puis de l'emploi. Donc, c'est dangereux. C'est comme une drogue qui est agréable à court terme, mais ça peut te mettre dans le pétrin à moyenne échéance. Comme le cannabis. Bref, mais il y a Desjardins quand même qui fait un petit aveu. Je vais juste en lire un petit paragraphe de rien, qui admet que, bon, même si la situation financière des Québécois semble sous contrôle pour l'instant, une augmentation significative des taux d'intérêt aurait des répercussions importantes notables. Une plus grande part des ménages auraient de la difficulté à rembourser leurs emprunts. Si, de façon inattendue, le taux des fonds à un jour de la Banque du Canada grimpait graduellement jusqu'à 3 % ou même 5 %, ben, l'impact négatif serait plus considérable. Entre 6 et 6,7 % des ménages, ça a l'air de rien, mais attendez le chiffre qui suit, dépasserait le seuil critique d'endettement en 2021, ce qui représente entre 20 et 40 000 ménages additionnels qui basculeraient dans cette zone en l'espace de 5 ans. C'est ça aussi, c'est qu'en égrener des pourcentages, on finit par atteindre beaucoup de gens. Oui, ben c'est tout. C'est le problème de la grenouille dans l'eau qui se réchauffe progressivement. Tôt ou tard, ça finit par être en ébullition. Moi, j'ajouterais peut-être, c'est vrai ce que disait Mme Pascal, quoique ces hypothèses sont, honnêtement, sont un petit peu fortes, là, augmenter rapidement à 2 ou 3 ou 4 % là, de taux d'intérêt, c'est beaucoup. Mais ça peut toujours arriver quand même pour si jamais il y a une crise majeure. Ouais. Mais moi, j'ajouterais une chose qu'on mentionne rarement dans les écrits, dans les articles, ça a-t-il des conséquences sur je vais prendre un mot qui commence à être banni, le mot patrimoine, c'est-à-dire que quand tu t'endettes, là, puis tu tout ce que tu réussis à faire, c'est fait tes paiements mensuels. Pendant ça, tu n'accumules pas de capital. C'est-à-dire, tu donnes du capital à un autre, celui qui t'a financé, tu entretiens son capital à lui. Mais il y a des données intéressantes qui sont sorties là-dessus récemment par une association qui n'est pas de gauche non plus, l'Association canadienne de la paie, là, qui a sorti, par exemple, le fait que plus de la moitié des travailleurs qui ont passé le cap de la cinquantaine, c'est pas ton cas encore, David, non, heureusement non, pour non, toi, n'ont toujours pas amassé le quart des fonds nécessaires pour leur retraite. C'est un exemple, là, mais il y a toutes sortes d'autres. Puis, tantôt, Mme Posca mentionnait que le crédit est de plus en plus imaginatif. Tout le phénomène, par exemple, des voitures en location à long terme, là, c'est que pendant ce temps-là, c'est bien le fun. Tu peux te promener dans un BMW ou une voiture de prestige. En tout cas, tu peux... Mais sauf que pendant ce temps-là, ta voiture t'appartient pas, c'est-à-dire c'est pas une maison, mais une voiture qui vaut 50 000 $, c'est un capital. Là. Puis là, il t'appartient jamais, t'es toujours en location. Fait que l'effet pernicieux de ça, on entretient le commerce, ça va bien pendant des années, les détaillants d'automobiles sont bien contents, puis le monde est bien content de se promener avec une BMW ou une Volvo ou une voiture de prestige quelconque, mais pendant ça, t'accumules pas de capital. Ouais. Fait que ça, c'est un effet pernicieux à long terme, dont on parle rarement, mais il n'y a pas un que les difficultés de fin de mois pour les plus pauvres. Pour la classe moyenne, il y a aussi le fait qu'on accumule de moins en moins de capital, donc moins de patrimoine. Oui, ouais, bon, non, mais tu as le droit de le dire, mais en même temps, c'est vrai parce qu'on voit aussi ces entreprises qui existent pour dire deuxième chance de crédit, troisième chance de crédit, venez nous voir, nous autres, on est capables, on va vous endetter, on va pousser le bouchon plus loin, et notamment pour ce qui est des, et elle l'a mentionné, pour les automobiles, notamment, si à la banque, on est un peu plus peut-être sérieux, qu'on fait plus attention, il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui va vous prêter. Ben absolument, oui, oui, c'est ça. Le crédit, ça fait partie des causes. On a mentionné, la cause peut-être la plus importante, c'est que le taux d'intérêt est à faible, mais les gens qui font du crédit ont été, les compagnies qui font du crédit ont été très habiles aussi à inventer toutes sortes de moyens. On a le cas également des prêts hypothécaires. On a allongé la durée du prêt hypothécaire. On a baissé les conditions de capital initial que ça te prenait pour faire un emprunt hypothécaire. Il y a toutes sortes de choses qui se sont passées, qui finalement ont conduit à la situation actuelle. Deux petites choses rapides à lire, juste pour préciser certaines éléments. Bon, quand on parle de hausse potentielle, quand on lit Le Devoir en septembre, on disait que la Banque du Canada est passée de la parole à l'acte, parce qu'on l'avait quand même annoncé, après une accalmie de 7 ans, une première hausse de 25 points de son taux cible au jour. Le jour a été commandé en juillet, donc en juillet, ça avait commencé, comme on disait. Une deuxième est venue en septembre, hein, un mois plus tôt que prévu. Bref, le taux cible a doublé en 7 semaines pour atteindre 1 %. Donc, ça a l'air de des petits chiffres, mais je vous le dis, quand on égrène, tranquillement, on y arrive. Et il devrait encore doubler d'ici la fin de 2018, nombre de prévisionnistes situant ce taux de référence à 2 %. Donc, effectivement, ce serait une cible, ce à quoi ça pourrait ressembler. Les effets, je vous lis juste aussi rapidement un petit passage du texte « Mes dettes m'étouffent, j'emprunte encore plus ». Le titre dit tout de Stéphanie Gramon dans la presse. Elle dit « Cela fait des années que les dettes des ménages augmentent plus rapidement que leur salaire. » Ça, c'est une chose qui est quand même considérable aussi. « Le taux d'endettement augmente sans cesse. En ce moment, beaucoup de consommateurs sont pieds et poings liés. En effet, près de la moitié des travailleurs, donc 47 % auraient de la difficulté à payer ses comptes si sa paye était retardée. » Est-ce que c'est votre cas, vous? Ne serait-ce que d'une seule semaine, comme le démontre la 9e édition du sondage annuel de l'Association canadienne de la paie, comme dont tu parlais. Et au Québec, c'est seulement le tiers des ménages. Donc, on est mieux, semble-t-il, 34 % qui vit d'un chèque de paie à l'autre, soit le plus bas, le niveau le plus bas de toutes les provinces canadiennes. Bravo, mais c'est quand même une personne sur trois qui n'a aucune espèce de latitude financière. C'est là que je voulais vous amener. De nombreux ménages sont vulnérables au moindre choc financier. À preuve, près du quart d'entre eux, 22 % seraient incapables de dénicher 2000 $ en un mois pour faire face à une urgence comme le toit qui coule ou la voiture qui craque. C'est ça l'histoire aussi. Ben c'est ça qu'on le mentionnait tantôt d'entrée de jeu, là, c'est que c'est bien beau dire que globalement, ça va quand même pas si mal, mais pour la majorité des consommateurs, des ménages, mais le petit groupe, là, peut-être de 5 à 10 qui est la corde au cou, littéralement, en tout cas, qui a de la misère à surnager, à garder la tête en dehors de l'eau, c'est des conditions dramatiques pour eux autres. Le temps file, je pense que je ferai la pause, si c'est possible, maintenant, puis au retour, on va être quand même rendu, il faut parler des risques et conséquences, puis il faut parler aussi de comment prévenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite dans quelques instants. C'est l'émission Économophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle d'endettement des ménages, les proches du temps des fêtes. C'est bien de d'affronter les choses, de regarder ça en pleine directement, franchement. Et on poursuit cette discussion parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, de ce risque potentiel qui existe tout à fait concrètement pour les ménages québécois et canadiens. Il y a des risques, on a parlé de, bon, si les hausses d'intérêt, hausses des taux d'intérêt se font, il y aura des conséquences. On parle d'effondrement du prix des maisons. Ça peut vraiment avoir un effet concret là, qu'on peut sentir sensiblement, là. Oui, tout à fait. Bien, ça fait partie un peu justement des conditions de crédit qui ont été facilitées au cours des dernières années. Quand on disait que les prêteurs ont été très imaginatifs, bien, ce qu'on s'est rendu compte, souvent les gens prennent une deuxième hypothèque ou une troisième hypothèque sur la valeur de leur maison parce que la valeur éventuelle de revente a pris de la valeur. Donc, les gens qui avaient acheté une maison à 300 000 $, bien là, maintenant, elle se vendrait peut-être 500 000. Donc, ils prennent une deuxième hypothèque. Puis le 200 000 $ qu'ils viennent d'aller chercher, bien là, ils achètent une BMW. ou un oui. bateau, etc. Oui. Fait que ça, ce qui est très pernicieux là-dedans, c'est que peut-être un petit aparté pour dire qu'effectivement, peut-être que c'est moins dramatique au Québec que ça l'est au Canada ou ailleurs dans le monde, mais il reste que même le Québec, on est exposé à ça, c'est-à-dire une chute abrupte du prix des maisons, parce que il y aurait possiblement une bulle immobilière au Canada présentement. La revue que j'aime beaucoup citer, The Economist, mentionne que c'est au Canada et en Australie que le prix des maisons est apparemment le plus surévalué présentement. Au Canada, c'est probablement plus vrai à Vancouver et Toronto qu'à Montréal ou à Québec, mais reste que Montréal, il commence à avoir des tendances à la hausse. On le voyait encore dans les journaux ce matin, des pressions que le prix est assez élevé. Donc, ce que ça laisse entendre, c'est que tôt ou tard, il pourrait y avoir un réajustement. C'est-à-dire que la maison qui est vous avez acheté 300 000 qui vaut maintenant, pensez-vous, qui vaut 500 000, peut-être que vous aurez la surprise ou que la banque aura la surprise quand la banque la saisira et qu'elle voudra la revendre, que ça vaut peut-être 350 000 maintenant, que la bulle a éclaté jusqu'à un certain point. Donc ça, je pense, c'est un des risques. Là. Il y a le risque du taux d'intérêt. Ça, on est pas mal certain que ça va augmenter d'un pour cent dans la prochaine année. Ça va avoir des conséquences sur les paiements mensuels, des conséquences importantes. Mais si jamais le prix des maisons s'écroule, puis ça pourrait arriver pour des raisons aussi simples que le fait que ben des boomers vont arriver à la retraite. Encore les maudits boomers vont arriver à la retraite. Là, ils vont vouloir vendre leur bungalow ou leur cottage. Fait que ça va créer un afflux de maisons sur le marché. Et ça pourrait avoir pour effet de faire baisser. Pas du jour au lendemain, mais sur une période de 4, 5 ou 6 ans, ça pourrait avoir un effet de faire dégonfler la bulle, si bulle il y a, du prix des maisons. Et donc ça aura des conséquences sur les actifs, la valeur des actifs, la valeur du bilan, la valeur du patrimoine des ménages et les conséquences, ça a automatiquement pour effet de compliquer la situation d'endettement, la dette nette des ménages. Peut-être que tu peux pas dire, oui, mais en contrepartie de mon endettement, j'ai des actifs qui valent tant, tes actifs, ils valent beaucoup moins qu'avant, donc ta vie véritable dette, ta dette nette là, est automatiquement plus élevée. En tout cas, c'est un des risques, là, ça puis la croissance trop rapide des taux d'intérêt, c'est deux risques majeurs finalement. Ça a des effets aussi, conséquences, effets sur l'économie de même manière globale. Tu en as glissé un mot tantôt, là. On parle de croissance, on parle d'emploi, ça part une cascade, là, ce genre de choses-là. Là. On l'a mentionné tantôt, les organismes très sérieux comme la Banque du Canada. La Banque du Canada, là, le gouverneur, M. Pollard, il n'arrête pas de dire « Ouais, mais l'endettement des ménages au Canada, là, ça nous préoccupe, ça nous fatigue. Ouais. » Puis la FMI qui a fait une étude dans... Je pense que c'est 80 pays là, sur les 15 dernières années. Puis la Banque des règlements internationaux est un autre organisme très sérieux. Ils ont regardé ça, puis l'expérience, j'en ai glissé un mot tantôt, tu viens de le rappeler, c'est que pour chaque hausse des taux d'intérêt dans l'endettement, c'est-à-dire ça se traduit là, à moyen terme par un recul du PIB, c'est-à-dire une perte de croissance économique finalement. Fait que les autres, ils sonnent un peu la sonnette d'alarme en disant là, 167%, c'est peut-être encore vivable, mais faisons attention, soyons prudents. Puis ce qui devrait ajouter, c'est que pensez pas un qu'à votre endettement hypothécaire, prêt à la consommation, c'était 20% seulement d'endettement, mais ça, c'est beaucoup plus volatile, beaucoup plus dangereux parce que ça frappe davantage des clientèles plus vulnérables, notamment les jeunes. On dit dans une étude qualifiée de plus détaillée à ce jour sur le sujet et basée sur ce dont tu parlais sur l'analyse de 80 pays, ces experts estiment par exemple qu'en moyenne une hausse de 5% du poids total de la dette des ménages dans l'économie d'un pays réduira sa croissance de 1,25% sur 3 ans. Encore là, ça a l'air, je sais que ça a l'air de des petits chiffres, mais ça risque d'ébranler des gens d'entendre ça. Bien, ça veut dire, dans le cas du Canada, si on possède de 167 % à 172 %, c'est quand même pas gros par rapport à 167, on vient de perdre 1,25 % du taux du PIB, alors que le PIB, quand il croît de 2 %, on est bien content. Fait que là, ça veut dire que tu pourrais le baisser de moitié là, avec une simple hausse d'endettement de 5 %. On va écouter, si tu le veux bien, parce qu'on parle de ces problèmes d'endettement, mais il y a quand même des choses à faire. On va écouter la deuxième partie de l'entrevue accordée par Julia Posca, où justement, on va parler un peu de ces comportements qui sont peut-être à changer, au bout du compte. Mais cette position-là, dans le fond, on joue à l'équilibriste. Là. C'est ça qu'on fait, non? qu'est-ce qu'on devrait plutôt espérer ou faire ou peut-être même changer comme comportement de société parce que ça paraît agréable de jouer à l'équilibriste, mais c'est parce qu'on peut tomber quand même. Là. Il me semble qu'il y a moyen de mieux voir venir que ça. Oui, c'est ça. On est, on pourrait penser plus à long terme. Là, comme on est justement dans la gestion, disons, plus à court terme. Bon, il faut quand même dire dans le secteur là, de immobilier puis dans tout ce qui est le marché hypothécaire, faut quand même reconnaître le travail de la Banque du Canada notamment, puis de la SCHL qui surveille de près ce marché-là, puis ouais. Qui fait des ajustements pour éviter qu'il y ait donc une crise. Mais il faut évidemment la réglementation soit adéquate. Puis il faudrait peut-être aussi qu'elle s'étende ou qu'elle soit améliorée dans le secteur des prêts automobiles. Parce que comme je le disais, là, il y a comme risque de surchauffe. Il y a moyen aussi de mieux encadrer là, les compagnies de crédit à la consommation. Ça, c'est sûr que ça reste du crédit qui est facilement accessible. Et donc, il y aurait moyen là encore une fois d'éviter d'endetter de manière là, disproportionnée les consommateurs. Mais c'est sûr que ça, c'est toutes des mesures, disons, qu'on pourrait prendre pour atténuer là, les risques. Mais il y a toute une remise en question plus en profondeur qui s'impose parce que on a donc un système qui repose sur la croissance puis une croissance qui repose sur l'utilisation du crédit. Donc, il y a comme... le marché, par exemple, de l'immobilier, c'est un marché qui est important économiquement, la construction immobilière. Donc, c'est un autre incitatif à encourager finalement l'achat de maison et donc l'endettement hypothécaire. Il faudrait revoir. Puis ça, c'est au prix non seulement de l'endettement des ménages, mais aussi de l'étalement urbain, parce que donc les villes ont tout intérêt à voir à ce qu'il y ait de la construction immobilière, notamment parce que étant donné le lien, les revenus là, de taxes, c'est ça, qui sont liés à ça. Donc, ça touche là à toute l'organisation de notre économie finalement. Fait que c'est pas une petite remise en question, mais c'est une remise en question qu'il faut faire certainement si on veut un modèle économique qui est plus viable, qui est plus durable, là, pour reprendre un terme à la mode. En terminant, est-ce que vous sentez quand même que on pourrait au moins être tenté de se laisser influencer par le risque réel qu'il y ait une autre bulle, que ça puisse éclater encore? Autrement dit, parce que les changements dont vous parlez sont profonds, encore faut-il vraiment sentir qu'il faut vraiment bouger, sinon jusqu'ici tout va bien, puis l'atterrissage n'est pas encore arrivé, là. Ouais, c'est sûr qu'on voit, on voit pas que dans le court terme il va y avoir des grands changements. Là. Je veux dire les crises économiques depuis la déréglementation du secteur financier dans les années à partir qui a commencé dans les années 80, on voit les crises revenir là, périodiquement puis à un rythme là, disons plus soutenu qu'il y a pu en avoir avant, donc entre la dernière grande crise des années 30 jusque dans les années 70. Donc oui, c'est un modèle qui semble malheureusement perdurer. Parce que il y a des intérêts très puissants qui sont en jeu, nommément le secteur financier qui profite donc de cet endettement-là, et donc qui le jour où la crise éclate, bien évidemment c'est toujours les consommateurs, les consommatrices, les ménages qui payent le prix. Et non pas ceux qui ont contribué à, qui ont alimenté ce système-là. Donc, ça va prendre, disons, de la volonté politique pour changer de paradigme, c'est sûr. Merci beaucoup à Julia Posca d'avoir de s'être prêtée au jeu de l'entrevue. Très intéressant encore une fois. Et juste pour un peu clore ce dossier qu'on vous présente depuis plusieurs minutes, à savoir ce que ça peut signifier, des hausses qui ont l'air mineures, qui n'ont pas l'air très importantes, 1, 2%, c'est rien. On insiste depuis tantôt pour vous dire que ça a des conséquences qui sont réelles. Je vous lis deux paragraphes d'un article qui est paru dans la presse le 18 novembre dernier, encore Stéphanie Gramont, qui dit « Concrètement, les propriétaires qui renouvellent aujourd'hui pour un terme de 5 ans doivent s'attendre à un taux variant entre 2,95 et 3,40 alors qu'ils avaient probablement signé autour de 2,20 il y a 5 ans. Cette hausse d'environ 100 points de base va faire bondir leur paiement. Le coût sera particulièrement dur pour les propriétaires qui ont acheté leur maison récemment. D'abord, le montant de leur hypothèque reste élevé et comme leur période d'amortissement est encore longue, les intérêts constituent une part importante de leur mensualité. Prenons une famille qui a acheté une maison il y a 5 ans et qui doit rembourser pendant encore 20 ans une hypothèque dont le solde s'élève à 400 000 $. Une hausse de 100 points fera grimper ses mensualités de 9 %. C'est comme si on enlevait 2300 $ du portefeuille du ménage par année, comme ça. Mais ce n'est rien. Une hausse de 200 points hausserait ses paiements de 19 %. 4 800 $ par an. Et même si ce n'est pas dans les cartes, une hausse de 300 points gonflerait les paiements de 29 %, ce qui donne 7 350 $ par an. Gros trou dans le budget. Donc, ça a l'air de rien? Heureusement que M. Lighthouse nous redonne 300 piastres par année. Écoute, ça aide à compenser un peu. Je ne sais pas pourquoi on parle d'endettement, tout va bien. mais pour ne pas être trop pessimiste, parce qu'il reste malgré tout, moi, je honnêtement, après avoir regardé tout ça, je suis quand même moins défaitiste ou moins craintif que je l'étais. Mais il y a des problèmes, on l'a mentionné, peut-être pour certains groupes de la société, peut-être pas pour tout le monde, les plus vulnérables, notamment peut-être des jeunes ménages, ceux qui se laissent plus tenter par le crédit. Il reste parmi les solutions, je pense, une peut-être un peu utopique à un certain point, mais je pense qu'il faut revenir sur la question de l'inégalité des revenus. Puis peut-être le fait que les salaires ont un peu progressé depuis plusieurs années. Certains observateurs, certains articles qu'on a lus cette semaine le mentionnaient, c'est-à-dire que, je cite moi aussi une de ces lectures-là, c'est que la dette des ménages a augmenté de 480% de 90 à 2017, donc pendant un quart de siècle, on a quasiment quintuplé la dette des ménages, alors que le revenu disponible, lui, n'a cru que de 197%. Donc, la dette augmente 5 fois, se multiplie par 5 fois, les revenus par 2 fois seulement. Une solution, là, ce serait d'augmenter les salaires. Et apparemment, ça commence. Là. Les derniers chiffres disent qu'au Québec, les salaires ont recommencé à augmenter, heureusement. Des salaires qui augmentent, ça permet aux gens de rembourser leurs dettes, s'ils veulent bien le faire, et de se mettre de côté du capital, finalement, et du patrimoine pour préparer leur retraite. Ça, ce serait une bonne chose. Donc, augmentation des salaires, diminution des inégalités, ce serait une des pistes à préconiser. L'autre piste, c'est la réglementation des institutions financières qui est au niveau du crédit, qui prennent pas des risques inconsidérés. Là, ce qui est inquiétant, c'est que M. Trump, on en a parlé quelques reprises, menace de revenir sur les réglementations qui avaient été mises en place à Wall Street après la crise de 2008. Il trouve que les banques font pitié, qu'ils ne peuvent pas prêter autant qu'ils voudraient. Il faudrait bien lui donner de l'air frais aux banques. Ça risque, là, en tout cas, au moins aux États-Unis, de créer des problèmes. Puis quand les États-Unis ont des problèmes... Ça fait des vagues. Ça fait des vagues au Québec. Oui, effectivement. c'est une des choses qui est à surveiller. Puis, enfin, je vois pas comment ça pourrait changer parce que déjà la réforme des taxes qu'ils proposent, il est encore dans les vieilles recettes, dans les idées préconçues qu'on va baisser ça, ils vont faire de l'argent, tout le monde va en profiter. Alors que tous les analystes sérieux disent exactement le contraire, mais ils vont foncer, continuer. Il y a rien là, il y a pas de problème. Il y a quand même aussi dans ce sujet-là quelque chose de fondamental aussi. Quand on parle d'hyperconsommation, cette tendance, quand tu dis les salaires vont augmenter, ça risque d'aider. On peut gager aussi qu'on va juste en profiter pour en rajouter. Ouais, ben c'est l'article de Mme Gramont que tu disais tantôt, c'est ce qu'elle disait. Oui, c'est sûr qu'il faut que les gens y mettent du leur aussi. Ouais. C'est-à-dire, tu peux les aider, mais si tu peux amener le cheval à l'abreuvoir, mais tu ne boiras pas à sa place. Là, c'est, fait que ça aussi, c'est un facteur d'inquiétude, mais disons, notre rôle, c'est pas juste de faire peur au monde. Non, bien sûr. On va essayer d'être optimiste. Peut-être un facteur d'optimisme, ça a l'air de rien, mais la Banque du Canada, depuis un bout de temps maintenant, la Banque du Canada, qui arrête pas de s'inquiéter de l'endettement des ménages, a pris des mesures là, depuis à peu près un an maintenant pour resserrer les conditions des prêts hypothécaires, pour s'assurer que les gens empruntent pas au-delà de leur capacité. Puis ils ont resserré le crédit hypothécaire depuis un an, puis ils vont encore prendre des mesures d'ici quelques mois, a-t-on annoncé. Donc ça, c'est un facteur, c'est peut-être pas le facteur le plus important, mais ça contribue dans le fond à régulariser la situation de l'endettement du prêt hypothécaire. Donc c'est un facteur quand même, à mon avis, beaucoup plus positif qu'est-ce qu'on vient de dire de M. Trump aux États-Unis. Je pense qu'au Canada, il y a un sens des responsabilités là, qu'on n'observe pas chez M. Trump là, présentement. En terminant l'entrevue avec Julia Posca, on parlait du gouvernement qui devait aussi finir par envoyer des signaux dans ce sens-là. Semblait plutôt pessimiste quant à la capacité réelle du gouvernement de changer son attitude par rapport à la consommation. Encore là, c'est peut-être un peu vœu pieux à quelque part. Ben c'est ça, oui, parce que je le mentionnais tantôt, les consommateurs, comme les gouvernements, sont tous un peu schizophrènes, ou comme un ancien politicien par les deux côtés de la bouche. C'est que... Faites attention à mon dépense. C'est ça. Puis une journée, on dit qu'on dépense pas assez, puis le lendemain, on dit qu'on est trop endetté. Puis ça, moi, je trouve ça pernicieux pour l'opinion publique, parce que ça contribue à démoraliser tout le monde. Tu as l'impression d'être toujours coupable de quelque chose. Quand c'est pas la dette du gouvernement, c'est les changements climatiques. Quand c'est pas les changements climatiques, c'est l'endettement. Puis quand c'est pas l'endettement, c'est la consommation qu'on n'a pas assez. Mais à un moment donné, là, on pourrait-tu nous laisser tranquille puis dire la vie est belle? Oui, parce que d'autant qu'ils cynisme, ils l'alimentent bien eux-mêmes. On l'avait dit la semaine dernière, quand on a parlé des baisses d'impôts du gouvernement, il a même pas suivi son propre plan qui était plus progressif, disons. Puis on a préféré fermer les robinets bien comme faut, faire mal au monde un peu, puis après ça, on revient, on fait des sourires, puis on donne des chèques. Écoute, comment ne pas être cynisme dans ce contexte? Ben non, effectivement. On va faire juste une petite pause musicale. Dans quelques instants, on va parler du chiffre de la semaine. On se donne quelques minutes pour le faire parce que c'est un sujet en soi, dans quelques secondes. Alors, allons-y de ce pas pour parler du chiffre de la semaine parce que, comme je vous dis, c'est un dossier en soi. 11 364 dollars US. Qu'est-ce que c'est, Jean-Claude? Ben c'est le cours maximum, le record qu'a atteint la valeur du Bitcoin, la monnaie électronique, la crypto-monnaie, là, que on en parle pratiquement tous les jours depuis plusieurs semaines, là, et même depuis le début de l'année. Oui, a atteint, je pense, c'est jeudi, le niveau de 11 364 $ US. Ce qui est intéressant, c'est que dans la même période de 24 heures, il y a eu une augmentation, je pense, de 12% de la valeur en question, puis et après ça, une baisse de 15%. Donc, les amateurs de montagnes russes, là, lancez-vous dans le Bitcoin, c'est très, très intéressant. Ce qu'on a beaucoup mentionné aussi, c'est que c'était quand même, ça l'a décuplé dans la dernière année. C'est-à-dire, depuis un an, la valeur du Bitcoin, là, le 30 novembre 2016, était de 742 $ américains. Et puis, donc, cette semaine, il a atteint le chiffre de 11 364. Au moment où on se parle, je ne sais pas où c'est rendu, ça doit être autour de 10 500. Donc, ça l'a quand même plus que décuplé en l'espace de notre conseiller, notre mise, notre anon de trouver le chiffre. Oui, c'est ça, ça l'a décuplé, c'est vraiment spectaculaire. Et sauf que ce que ça reflète, dans le fond, bien, peut-être que d'entrée de jeu, je devrais quand même mentionner que c'est un défi d'expliquer en quelques minutes de quoi il s'agit, parce que ce sont les deux sujets les plus compliqués à expliquer après le mystère de la Sainte Trinité. Il y a deux choses qu'on combine, c'est l'informatique, parce que c'est une monnaie basée sur le numérique, dans le fond, sur les systèmes informatiques, et la monnaie. Même pour les économistes, la monnaie, c'est quelque chose d'un peu mystérieux. Donc, on combine les deux. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué à comprendre. Et quand tu m'as parlé de ce sujet-là, j'ai dit que c'est très intéressant parce que je me rends aussi compte que beaucoup, sinon la plupart des gens connaissent Bitcoin, mais savent pas c'est quoi. C'est ça. Ça, c'est fascinant parce que c'est toute une histoire. Je me permets juste quelques secondes de replacer dans le contexte là, pour dire c'est quoi cette histoire-là, ça vient de où puis comment. On revient, d'abord, il y a des gens déjà dans les années 90 qui travaillaient fort à ce dossier-là, d'essayer de créer une espèce de système parallèle au système avec lequel on fonctionne, le système bancaire, le système de la finance, qui leur puait au nez carrément. C'était l'objectif d'être en dehors du système. Le système leur déplaisait. C'était surtout des anarchistes, des gens qui étaient comme ça, des programmeurs pour beaucoup. Dossier qui n'a pas réussi à se conclure, si bien que pendant les années 2000, là, il y a des gens qui ont repris ça à bout de bras, qui ont dit « nous, on va conclure, on va mener ça à terme ». Et ils y sont parvenus. C'est 2009, 3 janvier 2009, je pense, me semble de mémoire, où on lançait ça. On disait, on a réussi à rendre concret ce qui était une idée qui avait l'air saugrenue, c'est de créer un moyen de créer de l'échange, d'avoir une monnaie en dehors du système de monnaie. C'est quelque chose de fabuleux. Mais c'est des geeks. On parle de geeks. Hein. Je veux dire, quand tu regardes qui derrière ça, là, je me souviens pas du nom du japonais derrière. Satoshi Nakamoto. Nakamoto. Tu sais, c'est des geeks, c'est des programmeurs, des gens qui étaient des idéalistes complets qui disaient « nous, le système nous déplaît, on a envie de s'amuser en dehors, on a envie de sortir de ça et on ne veut pas rendre de compte à personne ». C'était l'objectif derrière le Bitcoin. Exactement, oui. Ben, en tout cas, effectivement, ouais, quoi qu'ils sont très discrets, on n'est même pas sûr que M. Nakamoto a vraiment existé. Ils l'ont cherché, ils ont pensé l'avoir trouvé, ils l'ont jamais trouvé. C'est peut-être un nom d'emprunt ou le nom d'un collectif là, de geeks, comme tu le disais tantôt. Peut-être mentionner, puis encore là, c'est un peu abstrait, mais dans le fond, ce que c'est le Bitcoin, c'est une monnaie purement virtuelle, purement dans le nuage, dans les ordinateurs. Ça n'existe pas concrètement, même si on voit souvent le logo d'une espèce de B, là, un peu comme un signe de dollar. Ouais. C'est un système décentralisé de comptabilité. C'est que, tout simplement, puis ça repose, dans le fond, sur la collaboration d'un grand nombre d'utilisateurs. Il y avait ça des mineurs. C'est-à-dire, on pourrait, à la limite, moi, je pourrais mettre mon ordinateur dans le réseau. Puis surtout, une multitude d'ordinateurs individuels qui se vérifient les uns les autres, qui enregistrent les transactions, puis qui sont un peu comme isolés. C'est un peu comme dans la mafia ou dans le FLQ. C'est un paquet de cellules. On appelle ça des chaînes de blocs, des cellules indépendantes les unes des autres, puis on ne peut pas remonter de l'une à l'autre. De sorte, ça protège le système. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand j'achète un bitcoin ou je le transfère à quelqu'un d'autre, je lui vends mon bitcoin pour 11 500 $, ben ça, c'est enregistré dans une multitude d'ordinateurs. Fait que je peux pas vendre deux fois mon bitcoin. Je le vends une fois que je l'ai vendu, tout le monde, ben tous les ordinateurs le savent. Donc, c'est ce qui fait que le système n'a pas besoin de passer ni par Visa, ni par PayPal, ni par les banques, ni par un chèque, ni par de la monnaie concrète, sonnante et trébuchante. Ça se produit uniquement dans le web, dans l'Internet, dans le nuage, de sorte que il n'y a aucun coût rattaché à ça. Et à mon avis, c'est un des principaux problèmes qui va peut-être empêcher le Bitcoin de vraiment se développer, c'est que les banques ne feront pas d'argent avec ça. Ben, en tout cas, parce qu'il y a, y avait la volonté, effectivement, de pouvoir, ben, de pas avoir de frais. Les frais les dérangeaient. Donc, il faut savoir qu'avec ça, on oublie les frais. Les frontières ne sont plus un problème non plus, parce que là, encore là, si vous faites affaire avec des agences comme Western Union et d'autres, il y a des gros frais pour pouvoir transférer de l'argent à votre famille. L'idée, c'est de sortir de ça. Mais encore là, tu sais, le mariage entre l'économie réelle puis cette économie-là, c'est pas très facile non plus, c'est complexe, là. Ben, probablement parce qu'il y en manque, dans le fond, de Bitcoin. Il y a un maximum, là, ça a été programmé pour qu'il n'y en ait jamais plus que 21 millions. Puis 21 millions, c'est pas beaucoup. Je sais pas à quoi c'est rendu présentement, c'est peut-être 5 millions, 10 millions, mais il y a fatalement une limite, on n'aura pas assez de monnaie pour pour payer, pour accommoder toutes les transactions possibles. Présentement, il y aura une valeur de 150 milliards de Bitcoin. La valeur mondiale, présentement, serait ça. C'est moins que les actifs de la Caisse de dépôt du Québec. Fait que c'est quand même pas beaucoup présentement. C'est limité. Et justement, parce que c'est limité en nombre, c'est carrément spéculatif. Tu sais très bien que ça va prendre de la valeur éventuellement, parce que, à moins que ça s'écroule complètement, mais ça va prendre de la valeur parce que le nombre est limité. Peut-être un dernier point, moi, qui m'a fasciné, que je connaissais pas, que j'ai vu en faisant une petite recherche sur Internet, c'est extrêmement coûteux en énergie, puis ça pourrait limiter l'expansion de ça, parce que ça repose sur des milliers d'ordinateurs personnels, puis un ordinateur, on s'en doute pas, mais ça prend de l'énergie. C'est qu'apparemment, présentement, le nombre limité de Bitcoin, ça prend autant d'énergie que l'ensemble de l'Irlande, imagine-toi. Puis on est loin, on n'est pas encore atteint le développement maximal là, du Bitcoin. Moi, je termine en quelques secondes pour vous dire que la Banque du Canada se penche sur la création d'une monnaie numérique, comme quoi c'est intéressant. Elle étudie les avantages liés à la création d'une monnaie numérique dans un contexte où certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin suscitent beaucoup d'intérêt. Dans un article de recherche, des responsables de la Banque du Canada notent qu'il pourrait être pertinent de créer une devise numérique émise par une banque centrale, donc on n'est pas comme le Bitcoin, là, il y a une banque centrale là-dedans, puisque la société utilise de moins en moins l'argent comptant. Cependant, cette nouvelle monnaie pourrait représenter une menace pour les recettes de seigneuriage de la banque centrale. Une monnaie numérique pourrait devenir une solution de rechange aux cartes de débit et crédit et aux autres formes de paiement, ce qui faciliterait l'émergence de la concurrence dans les secteurs du détail et des paiements de grande valeur. Dans son rapport, la Banque du Canada estime cependant que, étant donné la complexité et l'incertitude entourant cette monnaie, les banques centrales devraient faire preuve de prudence. Donc, on y pense. On y pense, mais je pense bien que le lobby de Visa va être très actif pour bloquer l'idée à la Banque du Canada. Avec de la vraie argent, de l'argent concret, ça a réussi à convaincre du monde, hein? Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci. Un plaisir. Pour la collaboration, recherche et tous les propos. Merci à notre invité, Julia Posca. Un grand merci à Gareth Dorreur pour la mise en onde. Merci, c'est très apprécié. La semaine prochaine, Jean-Claude, immigration? Oui, un sujet d'actualité encore là. Effet sur les pays d'origine et d'accueil. Enfin bref, soyez là, ça va être très intéressant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.